Apresente, o cara tá aqui, almoçou. Aqui, acá. Só que eu representei a Année de la Femme. Attention mes amis, c'est la nouvelle forme. Il faut pas être surpris. L'année de la femme, qui travaille toute la journée, conduit camion, n'aime qu'à tout manger et garder les bébés. Yo décidé pour faire l'armée, grimper poteau là, voler avion, qu'aimer voler là, acheter 4 cinémas, payer restaurant, bonne chance pour 75, aussi 76. bas et souffri. La mère et la femme travaillent toute la journée. Conduit camion, l'homme qui est tout mangé. Et garde les bébés.